causait, je regardais aux nouvelles aujourd'hui à New York, les gens ont des masques dans la rue parce qu'il y a de la fumée à New York. Puis cette fumée-là, elle vient des feux qu'il y aurait autour de chez moi. Mais moi aujourd'hui, ça sent même pas le feu dehors, il n'y a rien. Mais c'est peut-être au sud de chez toi, puis là, les vents vont du nord vers le sud. Même là, ils vont dire que c'est des courants d'air qui ont monté. Puis oui, mais le ciel est bleu. Ben, c'est ça que je trouve curieux, là. Puis, on nous vend cette construction-là de la réalité. Bon, il y a peut-être un effet de loupe médiatique qu'on cherche à polariser l'attention des gens là-dessus, puis sur le drame, pour. Dans le fond, puis là, on va dire, c'est à cause des changements climatiques là, que des feux comme ça, on n'a jamais vu ça, puis. Ouais. Ben moi, je pense que on est gouverné par des corporations puis des lobbyistes. Exactement. Puis là, c'est sûr, si on veut Puis que c'est créer. eux autres qui mettent le feu. Ben, c'est eux autres qui induisent les idées de certaines menaces, puis après ça, à des fins d'instrumentalisation, on peut les amplifier. Il peut y avoir objectivement un feu, sauf que la façon qu'on. Ben, dans mon coin, il y a des coins de la forêt, ça, la neige, elle vient de fondre, ça fait pas longtemps. Ça peut pas être d'origine. Je veux dire, faut qu'il y ait du monde qui ait allumé des feux, là. Quoique, si je me fais l'avocat du diable, dans le cycle de vie naturel de la forêt, il va y avoir des feux pour qu'elle se régénère. Ben oui. Ben oui. Mais ça va pas apparaître tout en même temps dans le même coin. Sauf s'il y a un effet de loupe médiatique qui nous donne cette impression-là. Donc, si on utilise une loupe pour regarder un détail, prenons par exemple un grain de beauté dans la face. Bon, ben ça se peut que le visage à 99,9% de la surface, il n'y en a pas, mais si on met juste l'emphase sur cette perception-là, de ce détail-là, c'est comme si le grain de beauté occupait tout le visage. Ouais, mais il reste qu'il y a vraiment des feux où ils disent qu'il y en a. Parce que si tu vérifies par après, tu vas voir que ça a été brûlé. L'affaire, ça, c'est quelqu'un qui m'a partagé ça hier. C'est une carte de ma région, tous les futurs projets miniers. Puis après, à côté, tu regardes une carte partout où il y a des feux. Puis il semble y avoir une corrélation. Fait que là, est-ce que ce serait pas un petit peu comme des corporations en Amazonie qui brûlent des coins de forêt parce qu'ils ont des projets? Mais tu sais, Ouais. je suis pas en train de dire que c'est ça, là, mais ça ressemble. Oui, parce qu'il Moi, faut je trouve faire. ça. En tout cas, ça peut paraître louche, mais ça ne veut pas dire que s'il y a une corrélation d'apparence, qu'il y a nécessairement un rapport de causalité d'un élément vers l'autre. Faudrait qu'un statisticien calcule les probabilités de hasard de phénomènes de même. Puis là-dessus, on peut pas compter sur l'intelligence artificielle parce qu'elle, il y a un magicien d'os là qui fait ce qu'il veut avec. Oui, parce qu'elle a été programmée avec des êtres humains, avec des biais culturels, des préjugés. Donc, Des intérêts. oui, puis un agenda aussi politique, tu sais. Ouais. Mais je dirais plus, c'est des politiques qui ont un agenda occulte qu'un agenda politique. Mais il reste que tout ça donne bien, là. Tu sais, et là, je regarde ça, puis tu sais, c'est comme j'ai des gens dans mon entourage qui étaient inquiets, là. Qui avaient même fait des bagages au cas où ils auraient quitté la maison rapidement. Puis je disais, t'as pas à t'inquiéter. Les gens qui s'occupent des feux sont pas là pour les atteindre, à mes yeux. Les gens qui s'occupent des feux sont là pour les coordonner. La ville ici t'apostrophe pas au feu, là. Parce que c'est une ville qu'au niveau de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'élite, qui a une certaine importance. Mais quand Il y a même, il y a déjà eu des villes, je pense en Californie, qui ont pris en feu. Tu sais, j'avais écouté des Ben oui. documentaires, puis là, la personne a perdu sa Ben oui. maison, puis c'est le drame. Ben oui, mais c'est pas l'élite de la Californie qui vivait dans ces maisons-là, là. Probablement pas. Mais en lien avec ce que tu dis, c'est sûr que les pompiers. Ben, j'avais écouté à un moment donné l'émission La Semaine verte de Radio-Canada, puis il y avait un reportage où il était question que d'une manière intentionnelle, on mettait le feu à certaines parties de forêt pour pour favoriser la régénération parce qu'on constatait une stagnation. Et là, à ce moment-là, les pompiers avaient pour rôle d'orienter le feu qui va brûler un certain secteur pour leur stimuler, là. C'est ça. Dans le sens que les gens qui s'occupent des incendies de forêt, ils ont surtout une science de coordonner le feu. Donc, ça veut dire, moi, je pense que c'est en partie volontaire, ces feux-là. Il peut y avoir la Mais à quel possibilité, niveau? c'est ça là, il peut y avoir une possibilité que ce soit de la démolition contrôlée, Ben, mais comment ça se fait qu'il y a des coins qu'il fait plus sec qu'ici, il fait plus chaud qu'ici, puis c'est du bois de la même type, puis le feu prend pas. Mais non, le feu, il est tout le temps dans les. C'est un peu comme quand tu cherches, par exemple, un meurtrier en série, puis tu rentres des paramètres d'un ordinateur par triangulation, puis par toutes sortes de calculs, tu peux un peu deviner où il vit. Ben, ces feux-là sont spéciaux, sont bizarrement pas très aléatoires, je trouve. Il y a une logique. Moi, je regardais ça, là, puis non, non, ça a l'air coordonné. Puis là, c'est-tu du complotiste, c'est-tu pas du complotiste? Je m'en fous de tout ça. Je m'en fous Ben, de c'est tout là ça. que je vais en Je le venir. sais que je suis pas fou. Je le sais que je suis pas fou, puis je vois une logique là-dedans. Mais Par c'est parce qu'il des peut avoir une... convergences de différents Ouais. facteurs. Puis je vois pas de. C'est étrangement pas fortuit, on dirait. Il y a quelque chose. Je vois une structure. OK, si on part du principe que on évoque ton hypothèse que à quelque part il y aurait des êtres humains qui auraient intérêt à mettre des feux à certains endroits simultanément à la période présente, ce serait de voir à qui profite le crime, dans quel objectif. Tout le temps les mêmes. Vas-y. Ben là, en plus que ça occupe le monde, là on garde le monde dans de la La climat de diversion, OK, peur. comme on en parlait tantôt, les gens sont Ouais. divertis par rapport à ça, OK. Du même coup, les amis des amis qui ont des concessions minières, ils n'auront pas d'argent à mettre pour faire la déforestation pour faire leur projet. En même temps, ceux qui ont des intérêts, tu sais, il y a des convergences, là. Parce que comme je te dis, on dirait qu'il y a une certaine corrélation entre des futurs projets miniers potentiels puis des feux. Moi, ça me rappelle ce qui se passe dans certains pays d'Amérique du Sud, ce qu'on a déjà vu. Puis, est-ce qu'on est plus aussi différent que ça? De la façon qu'on est gouverné, est-ce que c'est si différent de ce qu'il y a au Brésil puis ailleurs? C'est sûr que non, surtout si on parle d'une gouvernance qui se veut mondiale, avec des mondialistes comme le Forum économique mondial qui cherchent à implanter mur à mur partout dans le monde leur agenda. Ben, là, il y a un monsieur que je connais. Lui, il est contremaître dans une terre à bois. Il y a une cour à bois. Puis, bon. Là, il y a deux jeunes qui auraient été pognés à essayer de mettre le feu, je ne sais plus trop où. Puis là, ça serait sous enquête. J'écoute les nouvelles régionales, puis ils n'en parlent pas. Ah. Fait que l'enquête, tu pourrais étouffer ça. Là, c'est facile, des jeunes idéologisés, de leur faire faire des affaires de même. C'est peut-être des contrats. Mais là, il est arrivé un hasard qu'ils se sont fait pogner, puis là, t'as pas le choix de faire une enquête. Bon. Parce qu'il y a trop de monde impliqué bon. Mais il reste, c'est spécial. Je la pogne pas, là. Mais c'est Ça peut-être marche un pas. cas isolé, là. C'est pas, dans le fond, une explication pour l'ensemble du phénomène qui arrive simultanément un peu partout, là. Ben, leur truc, c'est de parler des deux coins de la bouche, parce que même les experts vont avouer que oh, à 90%, c'est d'origine humaine. Mais là, ça devient encore une raison, justement, d'abord de contrôler le monde, c'est eux autres qui mettent le feu. Fait que là, ils font des barrages, puis c'est sûr que si je fais des barrages, que oh, plus le droit d'aller là, ben là, ça va être dur d'enquêter, puis d'essayer de trouver le monde qui font ça, si c'est le cas. Je comprends, ça devient un servicieux. Ben là, c'est une mécanique d'enfumage, c'est le cas de le dire, là. Ça Ouais. ressemble à ça. En tout cas, c'est un show de fumée, un show de boucan qui nous aveugle présentement. Puis ça peut être récupéré et instrumentalisé par le lobby écologique pour la lutte contre les changements climatiques. Là, on va dire que c'est à cause des gens qui sont des méchants pollueurs, puis à cause que le climat est en train de s'emballer, que là, il y a des événements extrêmes comme ces feux-là. Bien, quand j'étais enfant, ici en région, on avait des fois des températures encore plus chaudes et plus secs que ça. Puis c'était pas des années qu'il y avait autant de feux que ça, là. Ça, Non, je c'est veux ça, dire. mais je veux dire, il y a une récupération idéologique dans le sens comme par exemple par rapport à la ville de Québec. Là, il va y avoir le maire Marchand qui va dire c'est important d'aller de l'avant avec le tramway pour lutter contre les changements climatiques. Puis pour, tu sais, la façon qu'il amène ça, c'est quasiment qu'une corrélation entre le fait que le feu dans le nord du Québec, puis qu'on produit des gaz à effet de serre, c'est comme tout serait interrelié, Ouais. puis, ouais. Ben, imagine des jeunes, mettons, début vingtaine, qui sont étudiants, sont au cégep ou à l'université, puis ils ont dans la tête le militantisme climatique. Puis là, tu leur mets dans la tête, ben là, faut faire des opérations, parce que, dans le fond, ça va être des contre-feux. Là, faut allumer des incendies pour montrer qu'il y a des changements climatiques, puis que c'est incontrôlable, mais c'est un contre-feu pour pouvoir un jour voter des lois pour que plus tard, il n'y en ait plus de feu. Là, tu viens de te fabriquer des idiots utiles qui vont être... Les autres, ils sont jeunes, puis tout, puis ils vont se Ils penser sont comme... naïfs, ils vont être radicalisés dans la religion écologique, puis tu vas en faire des Ouais. terroristes, puis des martyrs comme Sainte Greta. Ouais. Puis là, en plus, tu peux les faire agir d'une façon totalement paradoxale par rapport à leurs convictions en les embrouillant. En les enfumant. Il faut allumer des feux tout de suite pour qu'il n'y en ait pas demain, tu sais. C'est ça, c'est paradoxal. Mais ça me fait penser aux jeunes que. Mettons, avec une religion fanatisée, tu les amènes à mettre des bombes un peu partout à la grandeur de Dieu. Mais là, c'est de mettre des feux à la grandeur de l'écologie pour sauver la Terre. Mais je pense qu'on est rendu au stade qu'il va sans doute avoir des cas de terrorisme écologique.